La nuit est chaude. La nuit est chaude. Elle est sauvage. La nuit est belle pour ses otages. Et je l'aime.